إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du livre Al-Fitna wa Mawqifu al-Muslimi minha, c'est-à-dire la fitna et la position du musulman par rapport à celle-ci. On est toujours dans le chapitre numéro 3 dans l'explication de certaines des attitudes ou des positions qui sont en opposition avec le manhaj des salafs. Et l'effet de ces attitudes-là et de ces positions-là dans la propagation des différentes fitanes et des répercussions que ça peut avoir sur les musulmans, que ce soit sur l'individu ou sur la Ummah de façon générale. Et donc, on était toujours dans la première partie de ce troisième chapitre, le premier point de ce troisième chapitre, et on était en train d'expliquer en fait le danger du fait de voir que certaines personnes dénigrent les ulama de la Ummah et dénigrent leur science et qu'ils élèvent des individus parmi les petits ou parmi les innovateurs et ils les mettent à la place des grands ulama. Donc on a expliqué la fitna qui vient de ça et que ça c'est une attitude et une situation qui représente une contradiction avec le manhaj des salafs. Donc on a mentionné des exemples de ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqil a mentionné par rapport aux paroles des grands imams à ce sujet-là. Et en particulier, qu'est-ce qu'on peut remarquer de la part des individus qui ont peu de ilm, peu de science, puis qui se permettent de critiquer des grands ulama et des grands savants de la Ummah et qui mentionnent à leur sujet des choses pour les dénigrer et pour les rabaisser aux yeux des musulmans, puis par la suite se mettre à leur place et puis faire en sorte que les gens les prennent eux comme des références plutôt que les grands savants de l'islam. Donc après avoir cité une parole d'un d'entre les imams de la da'wa, il dit le cheikh فتدبر رحمك الله هذا الموقف العظيم لهذا الإمام من دعاة الفتنة والفرقة وكيف شدد هذا الإمام النكير عليهم مع تظاهرهم بالإصلاح وإنكار المنكر وطلب الحق والعلم لكنهم طلبوه من غير بابه وعملوا به في غير بابه فضلوا وأضلوا لذلك حذر هذا الإمام الأمة منهم ومنعهم من استقبالهم والأنس بهم بل وطلب من ولي الأمر منعهم من الخروج من بلادهم خشية إفساد الناس وتفريق كلمتهم وهذا الذي ذكره هذا الإمام رحمه الله من التحذير من دعاة الفتنة هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله على مر العصور يجده كل من نظر في كتبهم رحمهم الله. Donc le cheikh il dit, donc observe et médite et réfléchis bien sur cette position de ce grand imam, que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, réfléchis sur la position de ce grand imam, de ce qu'il vient d'expliquer, par rapport aux gens qui appellent à la fitna et à la division. Et regarde comment il a été très strict et très sévère, et comment il a réprimandé ces gens-là, qui essaient de se montrer comme étant les gens qui veulent faire la réforme, et qui veulent condamner le mal, et qui veulent chercher le bien et la vérité et la science. Toutefois, il la cherche autre que de la source d'où ils doivent prendre cette science et cette vérité. Et il l'applique autre qu'à l'endroit où cette science et cette vérité doit être appliquée. Et donc ils se sont égarés eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Donc premièrement, ils ne recherchent pas la science d'où ils doivent l'apprendre, c'est-à-dire de la part des, ils ne prennent pas la science chez les ulama. Et qu'est-ce qu'ils ont appris ? Eh bien, ils ne l'appliquent pas correctement. Et ils font des déductions parfois ou bien des jugements qui sont en contradiction avec la religion, justement à cause du fait qu'ils n'ont pas appris la science correctement. Ils n'ont pas appris la science des ulama, et donc ils font des jugements erronés, et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux à cause de ça. Et c'est pour cette raison-là que cet imam a mis en garde contre eux, a mis en garde contre ces individus-là et contre ce groupe qui faisait de la fitna à l'époque. Et il a interdit aux gens des différentes régions de les accueillir et de les prendre comme des personnes de référence. Et il a même ordonné aux dirigeants de les empêcher de sortir pour aller dans différentes régions, dans différentes villes, par crainte qu'ils allaient créer du désordre des problèmes, et qu'ils allaient diviser la parole des gens. Et cette position ou cette parole que cet imam a mentionnée, rahimahullah, eh bien, c'est la même chose qu'est-ce qu'on peut retrouver de la part de d'autres parmi les grands imams de l'islam et de la sunna, vis-à-vis des gens qui appellent à la fitna. Et ça, c'est la position en réalité des salafs salih. C'est la voie des salafs salih à travers le temps et à travers l'histoire. On trouve ces positions-là et ces clarifications-là et ces avertissements-là envers les gens de la fitna dans leurs livres. Et la parole dont le cheikh parle, c'est la parole, bien entendu, du cheikh Saad ibn Hamad ibn Atiq, rahimahullah, dans le volume 9 de Ad-Durar al-Saniya, à la page 148 et 149, qu'on avait lu à la fin du dernier cours. Le cheikh, il dit ensuite: وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. On va commencer par traduire cette partie. C'est une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui est cité ici dans Majmu' qui vient de qui est tiré de Majmu' al-Fatawa. Le volume 28 c'est de la page 231 à la page 233. Donc si vous voulez retourner à l'origine de cette citation. Le volume 28 231 à 233. Donc Cheikh al-Islam rahimahullah, il dit et c'est ainsi que les imams comme les imams de la bid'a, parmi les gens qui ont ramené les paroles qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou bien qui ont ramené des adorations qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna, eh bien le fait de clarifier leur état et d'avertir la Umma à leur sujet, c'est une obligation. Et ça c'est une obligation qui est au sujet desquelles tous les musulmans de la Umma sont d'accord. Les ulama, tous les imams de l'islam, depuis l'époque des salafs jusqu'à notre époque et même après, ils ont toujours été d'accord sur ce point-là, que c'est obligatoire de mettre en garde contre eux. Et même que on a dit à l'imam Ahmad, on lui a posé la question, si un homme fait le jeûne et qu'il prie et qu'il fait l'i'tikaf, est-ce que ça c'est meilleur pour toi ou bien la personne qui parle au sujet des gens de bid'ah? C'est-à-dire la personne qui fait des jeûnes surérogatoires, qui fait des prières surérogatoires, qui fait des kaf, qui reste, qui fait des retraites pieuses à la mosquée, et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est mieux pour lui et pour les musulmans, ou bien celui qui parle au sujet des gens de bid'ah et qui avertit à leur sujet et qui met en garde contre le danger qu'il représente? Eh bien, l'imam Ahmad a répondu et il a dit, si cette personne-là, il prie, et il jeûne, et il fait l'i'tikaf, eh bien ça c'est uniquement quelque chose qu'il fait pour lui-même, pour son bien à lui, pour sa piété à lui. Tandis que lorsqu'il parle au sujet des gens de bid'ah, eh bien ça c'est quelque chose dont le bienfait retourne aux musulmans, à tous les musulmans, sans exception. Et ça c'est meilleur, c'est meilleur puisque ça fait que, ça ramène un bienfait pour tous les musulmans. Et donc, c'est dans ce sens-là, c'est quelque chose qui est meilleur. Et donc, il a clarifié le bienfait et le fait de clarifier l'égarement de ces gens-là, c'est un bienfait qui retourne à tous les musulmans dans leur religion. Et ça rentre dans la même catégorie que le djihad fi sabilillah, lorsque quelqu'un fait le djihad dans le sentier d'Allah. Puisque c'est quelque chose qui vient purifier le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient purifier sa religion, qui vient purifier la voie et la législation. Et de repousser la transgression et le mal de ces innovateurs et de ces gens d'égarement, et leur transgression, eh bien c'est quelque chose qui est obligatoire pour un nombre de musulmans, c'est une obligation qui est fard ala al-kifaya, bien wajibun ala al-kifaya, et ça tous les musulmans sont d'accord là-dessus, tous les savants de l'islam sont d'accord à ce sujet-là. Et quand on dit fard al-kifaya, ça veut dire bien entendu que s'il y a un nombre suffisant de musulmans qui le font, eh bien ce n'est plus obligatoire pour le reste des musulmans de le faire. Toutefois, si tous les musulmans abandonnent cette obligation-là, eh bien ils sont dans le péché, ils sont tous dans le péché dans ce cas-là. Toutefois, si un nombre, comme je dis, un nombre suffisant de musulmans ont rempli ce devoir et cette obligation, eh bien, dans ce cas-là, les autres, parmi les musulmans, sont excusés du fait qu'ils ne le font pas. Mais au moins, il y a un groupe parmi les musulmans qui le font. Donc, de mentionner les égarements, de mettre en garde contre les innovateurs, d'avertir contre eux et contre leur danger, contre leur extrémisme, et ainsi de suite, ça c'est quelque chose qui fait partie des obligations de l'islam. Et le cheikh il dit ensuite, si ce n'était pas de ces gens-là que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour repousser les effets néfastes de ces gens-là, eh bien la religion serait devenue corrompue. La religion serait corrompue. Et la corruption de la religion qui est amenée par qu'est-ce que ces gens-là font, c'est-à-dire par ces innovateurs et par ces gens de bid'ah, eh bien, cette corruption-là, elle est plus grande que la corruption qui est amenée par l'ennemi extérieur, parmi les gens qui font la guerre à l'islam et aux musulmans, parmi les kuffars. Parce que les koufars, les ennemis de parmi les musulmans, les ennemis des musulmans parmi les koufars qui sont à l'extérieur de la Ummah, eh bien, ils n'arrivent pas à corrompre les cœurs en partant. Ils corrompent les cœurs uniquement après avoir pris le dessus sur les musulmans. Et une fois qu'ils ont réussi à prendre le dessus sur, yani, disons, sur le pouvoir militaire et autres, eh bien, par la suite, ils essaient de corrompre les cœurs par la suite et de détruire la religion des musulmans par la suite. Tandis que les gens d'innovation et de bid'a, eux, ils commencent directement par le fait de corrompre les cœurs et par le fait d'essayer d'égarer les musulmans et de les éloigner de la bonne aqidah, des bonnes pratiques de l'islam. Donc ils sont, dans ce sens-là, plus dangereux que les ennemis qui sont les ennemis extérieurs. Hein. Donc c'est ce que Cheikh l'Islam essaie de comprendre. Et il y a beaucoup d'ulama qui ont expliqué ça aussi, même à notre époque et dans le temps passé. Hein. Ils mentionnent que yani, les ennemis de l'islam qui sont les ennemis extérieurs comme les juifs, les chrétiens et autres, eh bien ceux-là, yani, les musulmans en général, ils savent que ce sont des koufars et donc ils sont un peu hein, sur leur garde vis-à-vis d'eux. Tandis que lorsque ce sont des gens qui se disent musulmans, qui parlent au nom de l'islam, qui mentionnent le nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils parlent, eh bien les gens parfois ont tendance à baisser leur garde et à faire confiance parce qu'ils se disent que ce sont des musulmans. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font en réalité par rapport à la religion? C'est qu'ils rentrent à l'intérieur des murailles de l'islam et ils essaient de corrompre et de détruire l'intérieur. Puis qu'est-ce qu'ils font par la suite? C'est qu'ils sortent, ils ouvrent les portes et puis ils vont vers l'ennemi extérieur et ils disent à l'ennemi extérieur, ça y est, on a ouvert la porte, maintenant vous pouvez entrer. Donc c'est comme si ils rendent un service en même temps aux ennemis de l'islam, hein, pour faciliter justement aux koufars de faire du tort à l'islam et aux musulmans par la suite. Donc ça c'est l'exemple que souvent les ulama mentionnent au sujet de ces individus ou de ces groupes qui appellent à l'innovation dans les croyances ou dans les pratiques. Ensuite, le cheikh il explique et il dit, cheikh l'islam, il dit que les ennemis de la religion sont de deux catégories, les koufars et les munafiqoun. Les koufars qui sont les ennemis apparents, déclarés, extérieurs, et al-munafiqoun, c'est-à-dire ceux qui se disent croyants et qui montrent qu'ils sont musulmans et qui pratiquent l'islam, mais qui n'y croient pas dans leur cœur, hein, qui détestent la religion et l'islam dans leur cœur. Et le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lutter et de combattre ces deux groupes, les deux ensemble. Dans le verset par exemple 73 dans surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et luttez contre les koufars et les munafiqin et soyez rudes envers eux. Donc le cheikh il dit, il y a cette mention là dans deux versets dans le Coran. Il y a cette mention dans deux versets dans le Coran. Le cheikh il dit, فَإِذَا كَانَ أَقْوَامٌ مُنَافِقُونَ يَبْتَدِعُونَ بِدَعًا تُخَالِفُ الْكِتَابِ وَيُلَبِّسُونَهَا عَلَى النَّاسِ ولم تبين للناس فساد أمر نعم فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله وإذا كان أقوام ليسوا منافقين ولكنهم سماعون للمنافقين وقد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم إيمانا يجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. Donc ça c'est la suite de la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et dans cette citation il y a des points vraiment importants, donc on va essayer inshallah de traduire du mieux qu'on peut, et vous allez voir que c'est des clarifications de la part d'un imam de l'islam, d'un savant de l'islam qui avait une compréhension vraiment étonnante des textes de la religion, une compréhension vraiment profonde de la religion, puisqu'il a pris sa compréhension de la compréhension des salaf al-salih. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, si des gens parmi les munafiqoun ont inventé des innovations qui sont en contradiction avec le livre et qu'ils ont réussi à mélanger les gens par rapport à ces innovations-là et à leur faire croire que c'est quelque chose qui fait partie de l'islam ou que c'est bien et que personne ne clarifie cette chose-là pour les gens, eh bien, le livre, le Coran, deviendrait corrompu et la religion commencerait à être changée, comme la religion des gens du livre avant nous a été falsifiée et changée lorsque des gens parmi les gens du livre n'ont pas condamné les innovations qui ont été rajoutées dedans. Et si ces gens-là qui ont ramené ces innovations-là ne sont pas eux-mêmes des munafiqines, mais qu'ils font partie de ceux qui écoutent les munafiqines et qui leur font confiance, et qui ont été eux-mêmes mélangés dans leurs affaires à cause de ces gens-là, à un point tel qu'ils ont cru que leur parole était vraie, alors que cette parole est en contradiction avec le Coran, et qu'ils sont devenus des gens qui invitent aux innovations des hypocrites, eh bien, c'est comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet-là dans le verset 47, dans surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter de la dissension dans vos rangs, cherchant à créer de la discorde entre vous. Et il y a parmi vous il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Donc il y a les hypocrites qui essaient d'accroître les problèmes, d'accroître les troubles et créer des dissensions et de la division, et il y en a d'autres, peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas parmi les munafiqines, mais parfois ils se laissent séduire ou tromper par les munafiqines et ils répètent leurs paroles en pensant que leur parole est bonne ou vraie. Donc le cheikh il dit ensuite fala budda aydan min bayan halaha oula. Donc il dit c'est donc nécessaire dans ce cas-là de clarifier l'état de ces gens-là. C'est-à-dire même si ce sont pas eux-mêmes des munafiqines, mais c'est quand même nécessaire de clarifier leur état. Il dit que même que la fitna qui peut être créée par l'état de ceux-là peut être plus grande, peut être plus grande que l'état des munafiqines, qui sont vraiment des munafiqines. Pourquoi? Parce que justement ils ont un aspect et ils ont une partie de la foi qui nous oblige de les prendre pour alliés et de les aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala, et donc à cause de ça ils peuvent créer pour les et devenir pour les croyants une plus grande fitna que les purs munafiqines.